fait que la merde, tu perds la foi. Tu fais que de la merde, tu perds la foi. Catalogué trafiquant quand tu fais passer des tonnes. Tu remontes de Ali quand tu te fais claquer par Interpol. Vas-y, coupe-moi par égal. La croix pas de Jerrican. Et t'as ramène la drogue après. Il dit c'est pas légal. Je préfère rester à l'écart avec mes assos. Depuis tu peux, on parlait pas, c'est nous les casos. Oh mama, moi je voulais pas, tu connais ton fils. Ils veulent la main, ils s'en foutent de l'état. Check ta maman. Fais pas trop le fou au rendez-vous. Ray, tu vas manger la table. On reste entre nous, la meilleure défense c'est l'attaque. Frère, tu peux parier. Là c'est rentable, à la rue t'es marié. Ça fait pleurer les remparts. Tu te rappelles à l'époque, y'avait personne. Pour ouvrir les portes, on allait le faire seul. Pour l'instant je peux faire ça. Mais sache que t'es mort si un jour t'es mon adversaire. Y'a pas de thème, est-ce tu parles de moi? Trop jaloux, tu perds du poids. Frère, tu perds du temps, c'est qu'on n'est pas teubert. C'est qu'on n'est pas chez père. C'est souvent quand t'es bon, tu finis du père. C'est moi qui distribue la balle numéro 10 comme Messi. Frère, ils sont pas comme nous, c'est pour ça je me méfie. À force de fumer, je deviens amnésique. Dans la chambre, je veux la piscine. Je pars une semaine au Mexique et j'en ai marre de la Tessie. Fais pas plaire, tu m'apprécies. De toute façon, c'est Dieu qui décide. Mais le chétan il m'excite, toi t'as fait ça, t'as fait si. Tu vas te prendre ta fessée, de la vodka dans la vessie, trop de THC dans la 2D. Je fais que de la merde, tu perds la foi. Je fais que de la merde, tu perds la foi. Je fais que de la merde, gros, tu perds la foi. Oh, tu perds la foi. Je fais que de la merde, tu perds la foi.